L'amélioration des performances sportives se joue aujourd'hui à des détails infimes qui peuvent distinguer deux athlètes sur la ligne d'arrivée. Dans cette course à l'optimisation du geste et du résultat sportif, la physique, les statistiques ou encore les sciences des matériaux accompagnent les sportives et les sportifs pour leur permettre de s'approcher de la performance optimale. Quel rôle occupe donc la recherche scientifique sur les terrains de sport et jusqu'à quel point cette recherche peut-elle améliorer les performances des athlètes ? Science et sport, faites vos jeux, c'est le programme athlétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces nombreuses interactions entre la recherche scientifique et les pratiques sportives, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Amandine Artalion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS en mathématiques au Centre d'analyse et de mathématiques sociales à l'EHESS. Avec nous également Christophe Clanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, professeur à l'École Polytechnique et directeur du programme Science 2024, le programme de recherche collectif dédié à l'accompagnement des athlètes français en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais avant d'entamer ensemble ce marathon, il est l'heure de retrouver la plus grande athlète de l'actualité scientifique qui, hormis sa passion pour le curling, bat au quotidien son record personnel de lecture d'études. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue JAMA. Sur 5 personnes atteintes de Covid-19, 2 sont asymptomatiques. Et cette étude, ce n'est pas un scoop, mais elle vient juste confirmer ce que l'on sait déjà de cette maladie. Des chercheurs chinois ont fait une méta-analyse. Ils ont analysé 95 études qui proviennent d'un peu partout, d'Europe, des États-Unis, d'Asie et d'Afrique. Leur objectif, c'était de regarder quelle est la proportion de tests PCR Covid qui sont positifs. Et parmi ces tests positifs, quelle est la proportion de gens qui sont asymptomatiques? Alors la force de cette analyse, c'est sa très grande cohorte, puisque cette méta-analyse porte sur près de 30 millions de personnes, ce qui n'est pas rien. Et leurs résultats montrent que parmi les gens qui sont testés positifs, 40,5% de ces personnes ne présentent aucun symptôme. Il s'agit essentiellement de personnes jeunes, de moins de 39 ans, et sans comorbidité. Pierre Tadevin est chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. Ça, c'est une information importante parce que ça veut dire, en gros, hein, si on veut schématiser, que quasiment la moitié des gens contagieux, donc ont une PCR positive, sont des gens qui sont en forme. Et ça explique probablement tout le succès de ce virus dans son épidémie. C'est que si on avait eu un virus qui rendait malade au moment où on était contagieux, les gens auraient été plus facilement enclins à rester à la maison, à se protéger et à ne pas contaminer les autres. Mais malheureusement, dans presque la moitié des cas, les gens contagieux sont en forme, donc ne peuvent pas deviner qu'ils le sont. Est-ce que pas de symptômes, ça ne veut pas aussi dire être moins contagieux? Ben malheureusement, sans doute pas. Il y a pas mal de maladies où les symptômes rendent plus contagieux. On peut imaginer par exemple que si on tousse, on a tendance à projeter un peu plus de particules virales au moment de l'effort de toux, et pour la tuberculose, c'est bien montré par exemple. Mais là, dans le Covid, comme la transmission est probablement très efficace, surtout avec les nouveaux variants, ça peut être du contact, ça peut être quelque chose d'assez furtif. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont contaminés alors que globalement, ils font attention. On ne peut vraiment pas dire que les gens asymptomatiques sont moins contagieux. Ça justifie par exemple le fait qu'on porte tous des masques maintenant quand on est à l'intérieur. On n'aurait pas besoin de faire ça si on pouvait dire que les gens en forme ne sont pas contagieux. On pourrait dire, bah, vous venez à la réunion si vous êtes tous en forme, et dans ces cas-là, on ne met pas de masque. Donc ça justifie a posteriori quelque chose qu'on fait tous. C'est-à-dire que même si on se sent en forme et qu'on est asymptomatique, on peut attraper le virus, mais on peut aussi le transmettre, parce qu'on peut être malade sans le savoir. Et donc, il faut appliquer des mesures un peu universelles, quoi, indépendamment de comment on se sent. Alors, un autre point important avec ce virus, qui est différent d'autres virus, la grippe, par exemple, on peut être contagieux 24 heures avant de tomber malade, mais on est quand même plus contagieux pendant qu'on est malade parce qu'on excrète plus de virus. Et avec le Covid, ça n'a pas l'air d'être le cas non plus. C'est-à-dire, quand on essaye de quantifier, c'est pas très facile, mais quand on essaye de quantifier le virus, on peut très bien être plus riche en termes de quantité de virus la veille du jour où on tombe malade que le lendemain. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter le journal des sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. C'est devenu le feuilleton le plus palpitant de l'histoire de l'astrophysique. Le lancement du James Webb Space Telescope est, devinez quoi, une nouvelle fois reporté. C'est un peu une arlésienne. Plusieurs fois reporté, initialement prévu le 18 décembre, puis le 22. Il faudra s'armer encore un peu de patience. Le lancement du plus puissant des télescopes spatiaux ne devrait pas avoir lieu avant le 24 décembre. La NASA évoque un problème de communication avec le télescope. Le décollage à Kourou, en Guyane française, avec une fusée Ariane 5 est prévu avant le 31 décembre. Si tout va bien, la NASA devrait confirmer la date du lancement d'ici vendredi prochain. Et à l'occasion de ce lancement historique, la méthode scientifique consacrera une émission spéciale au JWST tout début janvier. En bref, toujours, une étude parue dans la revue Nature Communications décrit la conception d'une main robotique d'une grande dextérité. Une équipe coréenne a créé une main robotique anthropomorphe baptisée Hilda, qui est capable d'une large gamme de mouvements. Elle peut détruire une canette de soda, manipuler un œuf sans le casser, ou encore utiliser des outils, des ciseaux ou une pince à épiler. Les chercheurs ont réussi à obtenir cette force et cette délicatesse grâce à trois petits moteurs qui actionnent 20 articulations et grâce à des capteurs tactiles sur le bout des doigts. Hilda peut également soulever des poids de 18 kg sans se briser. Alors cette main peut être montée sur les bras d'un robot commercial et les chercheurs pensent pouvoir alléger ce modèle et créer une peau artificielle souple pour en faire une prothèse humaine. Et enfin, une étude qui devrait intéresser nos invités, des physiciens ont calculé la meilleure façon de réussir une chandelle lors d'un match de rugby. Et faire une chandelle, c'est donner un coup de pied haut pour envoyer le ballon dans une trajectoire verticale, relativement droite, pour laisser le temps à ses coéquipiers d'arriver au point de chute. Le troisième congrès de physique de sport s'est tenu à l'ENS Lyon, et des chercheurs ont présenté leurs premiers résultats. Ils ont pris en compte de nombreux facteurs physiques de cette phase de jeu. Le vol du ballon, qui n'est pas parabolique, mais aussi son caractère polytope. Un ballon de rugby n'est pas rond et tourne donc sur lui-même, ce qui modifie sa trajectoire. Pour réussir une chandelle, le joueur doit tirer avec un angle de 70 degrés, pas en dessous. Des observations de terrain sont en cours. Merci beaucoup Natacha, on va aller s'entraîner tout de suite après l'émission et on vous retrouve surtout demain pour le prochain Journal des Sciences. La science et la recherche au service du sport, c'est presque aussi vieux que les Jeux Olympiques en fin de compte. Alors en effet, déjà dans l'Antiquité, il était question de l'ablation de la rate qui aurait amélioré les performances des marathoniens, d'où l'expression « courir comme un dératé ». Par ailleurs, la technologie a toujours joué un rôle important dans la performance. Ainsi, pour les cyclistes ou les skieurs, la position des athlètes est testée en soufflerie pour améliorer l'aérodynamisme. Donc ça c'est l'aspect humain, il y a aussi la question matérielle. Oui, mais se pose alors la question éthique. À partir de quel moment la technique prend-elle le pas sur les véritables performances de l'athlète? Si on y prend garde, on peut imaginer des JO de robots. C'est une des raisons pour laquelle on a interdit les combinaisons inspirées de la peau des requins qui créaient une inégalité entre les nageurs et ça se joue en microsecondes. C'est ainsi que pour 1/100 de seconde, le nageur Florent Manaudou a perdu son titre au JO de Rio. Récemment, des scientifiques ont mesuré via des capteurs la force de propulsion des nageurs pour déterminer les mouvements les plus efficaces. Dans un autre domaine, comme la voile, où une jauge est imposée au bateau, la performance s'obtient dans la complicité entre l'homme et la machine. Vincent Nougier, directeur de recherche au CNRS. Dans le domaine de la voile, il y a le développement des foils. Très très vite, il faut les confronter aux perceptions qu'ont les individus. Sur la base de leurs sensations personnelles, ils choisissent celui qui leur semble le plus approprié pour réaliser les meilleures performances. Et tout ceci en veillant à respecter les règlements. Voilà un extrait du billet Science du week-end sur France Info daté de mars 2021. Amandine Aftalion, on l'entendait au début de ce billet, le lien entre sport et science, il n'est pas du tout récent. Ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut rappeler d'emblée. Oui, alors Pythagore, mathématicien grec bien connu des collégiens, était lui également un athlète, puisqu'il remporta les Jeux Olympiques avec toutes les compétitions de pugilat auxquelles il participa. Et le mathématicien Thalès serait lui aussi mort en assistant à une rencontre sportive. Chez les Grecs, il était important d'obtenir l'équilibre du corps et de l'esprit. Et d'ailleurs, pour désigner les idiots chez les Grecs, on disait souvent « il ne sait ni lire ni nager ». Alors de nos jours en France, il n'est pas toujours facile d'intéresser les meilleurs mathématiciens aux problèmes posés par le milieu du sport. Mais c'est sûr que depuis les années 80-90, le développement des ordinateurs, des gros calculateurs, il y a des objectifs très intéressants pour arriver à mieux comprendre, modéliser la performance sportive. Christophe Clanet, on va parler bien sûr de l'inclusion des disciplines et de la recherche scientifique dans l'amélioration des performances sportives. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que jusqu'à, peut-être pas si récemment que ça, mais quand même jusqu'à récemment, les sportifs, les chercheurs, je vais faire le lapsus pendant toute l'émission, les chercheurs avaient plutôt une position de spectateur et essayaient d'expliquer plus que d'améliorer les performances sportives. Oui, je pense qu'il y a une raison à ça, c'est que les sportifs, ils ne nous attendent pas en fait. C'est-à-dire qu'ils sont comme des solistes en musique, ils passent leur journée à répéter leur gamme. Et ce qu'on peut observer, c'est que les grandes révolutions dans le sport, elles n'ont pas été dues à la science. C'est-à-dire que tous les exemples de révolutionnaires que l'on a en tête, c'est-à-dire à commencer par Fosbury pour son fameux saut en 68, ou Borklow, celui qui a le sauteur à ski qui a inventé le saut du ski en V, ou sur la piste Graham Aubry pour une position qui fait disparaître ses bras. Tout ça, ça a été fait sans les scientifiques. C'est-à-dire que les grandes révolutions en sport, elles sont faites par les sportifs. D'accord. Mais là où vous avez raison, c'est que, in fine, les choses vont se jouer à des détails. C'est-à-dire ce qui définit le sport de haut niveau, c'est une différence en dessous du pourcent entre le premier et le deuxième. Et ça peut aller jusqu'à des choses comme 10-5 de différence sur l'arrivée de Martin Fourcade devant l'Allemand, c'est-à-dire un pied de 15 cm devant 15 km de course. Et donc, tous les détails vont compter. Et c'est dans ces détails-là que les sciences peuvent apporter quelque chose si jamais on le leur demande. C'est-à-dire que le scientifique, c'est rare qu'un scientifique, comme le dit Amandine, soit à la fois scientifique et sportif de très haut niveau. Mais par contre, si jamais il écoute ce que disent les entraîneurs à leurs athlètes, les points sur lesquels ils sont vigilants, il peut récupérer parmi ces interactions des points sur lesquels il peut apporter quelque chose. Et donc, mais ce sera du détail. C'est-à-dire les grandes révolutions, c'est les sportifs qui les font. Amandine Aftalion, à partir de quand dans l'histoire de la pratique sportive, on peut quand même dater cette arrivée massive de la science dans la discipline des sportifs? Est-ce que finalement, les États-Unis, à un moment de la guerre froide, ont été un petit peu en pointe de tout ça? Est-ce que là aussi, c'est joué quelque chose de particulièrement prégnant? Alors, si vous parlez de la guerre froide, c'est sûr que la guerre des étoiles, tout le monde pense à la NASA, etc. Donc, il y a eu un développement de la science à ce moment-là. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire en science. C'est souvent, on fait des découvertes scientifiques, on développe des outils, on les développe, par exemple, pour la guerre des étoiles. Et on va se rendre compte que ces outils, cette boîte à outils, on va l'utiliser pour quelque chose qui n'a rien à voir. Et moi, dans ma pratique, c'est un peu ce qui m'est arrivé, puisque je travaillais sur de la minimisation d'énergie, sur des températures parmi les plus basses de l'univers. Et ces techniques de minimisation d'énergie, je suis allée les mettre au service de l'énergie humaine, qui est pourtant très loin a priori des énergies de basse température. Mais il y a dans la science, dans la modélisation scientifique, des phénomènes qui sont souvent semblables et des termes dans les équations qui sont semblables entre des domaines qui n'ont rien à voir. Donc ça peut être de la biologie, de la croissance d'une ville, de la propagation des émeutes ou du mental d'un sportif. L'économie aussi. Tout à fait, qu'on va mettre en œuvre. Donc ça, c'est quand même dans les 10 dernières années qu'il y a eu une explosion à la fois des données et de l'utilisation d'outils modernes pour le sport. Et on verra bien sûr plus en détail à quoi correspond un modèle scientifique qui accompagne les sportives et les sportifs. Christophe Clanet, j'ai lu un exemple assez criant en préparant cette émission, le fait qu'en 100 ans, le record du marathon est passé de 2h50 à 2h01 chez les hommes et de 3h40 à 2h14 chez les femmes. Est-ce que là-dessus, on peut mettre ce record qui a quand même diminué drastiquement au crédit de la science et au crédit des progrès scientifiques d'accompagnement des sportifs? Alors sur le marathon, il faudra demander à Amandine, c'est elle qui est la plus pointue là-dessus. Moi, je vais compléter ce qu'elle disait sur ce qui peut ruisseler entre les recherches qui sont faites pour soit la NASA, soit la guerre des étoiles, soit la conquête de la Lune, en particulier les fibres de verre qui avait été développé pour le programme Apollo. C'est les mêmes fibres de verre qui ont été utilisées par les perchistes pour leur capacité de flexion et qui ont permis de changer drastiquement, c'est-à-dire les premiers Le premier homme qui va passer les 5 mètres, c'est grâce à une perche qui aura été nouvellement introduite, qui sera une perche en fibre de verre. Autre record, la perche qui a été doublée en moins de 100 ans. Oui. Donc le premier record validé, c'est les premiers Jeux Olympiques en 1896, c'est 3 mètres 30. Et on en est à plus de 6 mètres. 6 mètres, ouais, voilà, ouais. 6 mètres 20 avec Armand Duplantis. Mmh. Mais oui, c'est un sport qui a beaucoup évolué et c'est un des sports qui a bénéficié des interactions avec la science, ça c'est sûr. Amandine Artalion, est-ce qu'aujourd'hui les scientifiques occupent une place dans le vestiaire? Est-ce que c'est finalement les deuxièmes coachs des sportives et des sportifs? Quelle place ils occupent dans ce travail de préparation? Je pense que ça, c'est très différent selon les pays. C'est-à-dire que les Anglais et les Américains ont beaucoup d'avance sur nous. Les JO de Londres 2012 se sont faits avec une équipe anglaise qui était entourée de scientifiques. Et je pense que l'idée pour Paris 2024, c'est qu'en France, on arrive à faire pour 2024 ce que les Anglais avaient su faire pour 2012. Mmh. Donc j'espère que la France va y arriver. On demandera ça tout à l'heure à Christophe Clanet, les grands objectifs de ce programme Science 2024. Christophe Clanet, est-ce qu'on peut dire que des disciplines sportives ont été bouleversées, révolutionnées par l'apport des sciences? Alors, moi je pense que celles qui l'ont été, c'est les disciplines mécaniques, c'est-à-dire c'est là où les interactions étaient les plus faciles. Si jamais on revient sur l'exemple anglais, quand on discute avec les gens qui ont participé au programme scientifique, comme Steve Eck, ce qu'on voit, c'est que les interactions portaient vraiment sur des choses concrètes qu'on mettait à disposition, c'est-à-dire des choses, comme le disait Amandine précédemment, qui étaient déjà dans les tiroirs, donc des outils, soit d'analyse statistique, soit de capture vidéo, soit de... Enfin, ce que voulaient les sportifs, et en général c'est toujours une demande que l'on rencontre actuellement, c'est un rendu le plus rapide possible entre ce qu'on voit sur le terrain et l'œil de l'entraîneur, de façon à ce qu'il puisse discuter avec son athlète et qu'il y ait ce type d'interaction qui est... Et donc là, c'est vrai que les Anglais ont été, disons, très performants dans le sens de... faire ruisseler ce qui était dans les laboratoires de façon à répondre à cette attente-là, c'est-à-dire avoir un retour rapide depuis l'entraînement jusqu'à l'amélioration de la pratique. Et donc ça, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire non plus. C'est-à-dire là-dessus, je pense qu'on a tous les outils pour le faire. Et bien justement, voilà. Puisqu'on a tous les outils pour le faire, on va se plonger un petit peu dans ce programme scientifico-athlétique. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On évoquait à l'instant, Amandine Aftalion, les sports mécaniques qui ont été considérablement bouleversés ou en tout cas améliorés dans les performances par les sciences. Est-ce que, avant de plonger un petit peu plus dans le détail des apports de la science au sport, on peut faire déjà de grandes différences entre sport individuel et sport collectif? Quelles sont les grandes différences d'approche scientifique qu'on va pouvoir constater entre ces deux grands groupes de pratiques sportives? Je ne sais pas s'il faut faire la différence entre sport individuel et collectif. Moi, je la ferais plutôt, d'une part, entre la technologie. Est-ce qu'il y a un apport technologique ou pas? Donc, il y a des sports qui ont bénéficié d'apports technologiques, avec toute la question de est-ce que la technologie est juste ou n'est pas juste? Est-ce qu'il faut autoriser une différence technologique entre les athlètes ou pas? Est-ce que, au contraire, il faut imposer la technologie la même, donc ça va être le même fournisseur de technologie à tous les athlètes, justement. Est-ce que ça contribue au bonheur des spectateurs ou d'améliorer cette technologie ou pas? Donc là-dessus, il y a vraiment de grandes avancées en ce moment dans un peu tous les sports dès qu'on a besoin de matériel. Après, il y a une autre partie qui concerne les records, c'est-à-dire aller battre un temps. Et là, on a beaucoup bénéficié récemment de ce qui s'appelle les big data, donc l'arrivée d'informations chiffrées dans tous les domaines. Donc les capteurs sont partout. Il suffit de regarder un match de foot pour se rendre compte maintenant que les statistiques sont absolument clés. Voilà, donc vous savez combien il a fait de pas à gauche, à droite, en diagonale, etc. Combien de passes il a réussi. Voilà, la fréquence cardiaque, les calories, les sauts, les interceptions, etc. Le problème, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait maintenant de tous ces chiffres? Donc les big data se sont développés dans cet esprit-là pour dire, ben voilà, on va essayer de trouver soit le mouvement idéal, la localisation idéale, ou alors en football, comme vous en parliez, il y a des mathématiciens qui ont des algorithmes pour aller déterminer la meilleure sélection. Mais par rapport à ces big data, il y a à mon avis une vraie nécessité à utiliser ce qui s'appelle les modèles déterministes qui allient physique et mathématiques, qui vont être plus prédictifs parce qu'avec les équations basées sur la physique, on va pouvoir non seulement expliquer, mais aussi prédire, c'est-à-dire changer des paramètres et dire qu'est-ce qui va se passer. On peut prédire l'avenir avec un modèle déterministe. Une question que je me posais, c'est comment est-ce que cette accumulation de données peut être alliée à une amélioration des performances, puisqu'en soi, les sportifs restent les mêmes, leur morphologie reste les mêmes. Comment des chiffres vont permettre de transformer la qualité de leur performance? Alors, c'est pas forcément directement la performance d'une personne. Là, c'est sûr, c'est peut-être dans les sports collectifs qu'il y a le plus de, je dirais, d'espoir. Vous voyez, quand je disais, il y a des algorithmes qui vont aider à la sélection. C'est-à-dire que la sélection d'une équipe aujourd'hui, c'est l'entraîneur, sur son expérience, sur ses connaissances. Alors que maintenant, avec les big data et avec tout ce qu'on a mesuré chez les sportifs, il y a une équipe à l'école polytechnique qui arrive justement à déterminer quelle doit être la sélection optimale. Donc on sait utiliser ces nombres pour aider au choix. Christophe Clanet, sur cette intrusion massive des données dans les performances sportives, qu'est-ce que vous avez à nous en dire ? Moi, ce que j'ai à en dire, c'est qu'il faut faire attention au temps de traitement, c'est-à-dire d'avoir le problème actuellement du big data, c'est le passage à travers le modèle dont parle Amandine, c'est-à-dire ce modèle, la première chose, c'est qu'il faut le valider, c'est-à-dire ces modèles mathématiques, ils ont un certain nombre de termes. Chacun des termes doit être validé indépendamment pour être sûr que ce qu'on va optimiser in fine n'est pas en train d'optimiser quelque chose qui est faux. D'accord. Donc la première chose, c'est qu'il y a une étape de validation. Donc on y rentre, c'est-à-dire c'est vrai que la puissance des ordinateurs actuellement permet, disons, d'aller de plus en plus vite dans cette pré-phase de validation. Mais ce à quoi il faut faire attention quand on va vers le sport élite, puisque aujourd'hui vous parlez d'amélioration des performances, donc c'est pas du sport santé, c'est-à-dire on veut optimiser les performances. C'est ce à quoi il faut faire attention, c'est le temps qui va passer entre le moment où on va prendre les données sur le terrain et le moment où on va faire un rendu aux entraîneurs. Si jamais ce temps dépasse la semaine, c'est trop. Oui, parce que les matchs s'enchaînent par exemple et qu'il faut pouvoir analyser à chaud puis, tout ça. Ce à quoi ils sont habitués, c'est-à-dire vous rentrez dans un écosystème dans lequel vous voulez, disons, de l'extérieur, c'est presque faire le bonheur des gens malgré eux, c'est-à-dire que vous dites il y a de nouveaux outils, peut-être qu'ils peuvent vous bénéficier. Donc si jamais vous montrez qu'effectivement ils peuvent impacter le résultat, ils vont vous croire. Si jamais la première fois que vous le traitez, il va falloir un mois entre le moment où ils vous ont vu et le moment où vous leur donnez un résultat, ils vont dire oh, mais non, ça c'est trop long, nous en un mois il s'est passé énormément de choses, l'équipe a changé, etc. etc. Et donc cette notion de temps, elle est au cœur, disons, de l'évolution des big data dans le sport élite. C'est-à-dire dès que ce temps deviendra de l'ordre de la journée, l'outil sera testé et si jamais effectivement il impacte les performances, il sera utilisé. Mais actuellement, on est, disons, entre deux eaux. Voilà. Amandine Aftalion, vous évoquiez tout à l'heure un élément important, c'est l'aspect prédictif aussi de ces données-là. Jusqu'où est-ce qu'on peut prédire une performance? Si on prend par exemple un match de football, je crois maintenant qu'il y a un paramètre qui est inclus, ça s'appelle l'expected goal, donc c'est le but attendu pour certains joueurs. Jusqu'où la science peut-elle nous faire passer le plaisir de la surprise du sport? Il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. Alors bon, moi le football, je vous en ai un peu parlé, mais c'est quand même pas ma spécialité. Moi je nage et je m'intéresse à la course à pied. pour répondre à l'autre partie de votre question, jusqu'à maintenant, les big data, c'est ce que je voulais essayer d'expliquer, ont du mal à prédire. Avec les big data, on va arriver à déterminer le mouvement idéal d'un golfeur. On va avoir un geste parce qu'on a toutes les données et on va savoir quel est le geste qui passe le mieux par toutes les données en fonction éventuellement de la spécificité de chacun. Pour être prédictif, de mon point de vue, qui suis mathématicienne, en analyse et en modélisation. Il reste quand même aujourd'hui plus fascinant et plus convaincant de passer par, non pas par les statistiques, mais par des équations différentielles, des équations dérivées partielles, c'est-à-dire qui vont relier toutes les fonctions, les données auxquelles on s'intéresse, leurs dérivées pour arriver à les déterminer en fonction du temps. Donc ces données, ça peut être la vitesse, l'énergie, la force, et c'est ça auquel on veut donner des valeurs, et c'est ça l'apport des mathématiques auxquelles je m'intéresse. C'est un domaine qui s'appelle le contrôle optimal, donc c'est dans une situation de performance, comment est-ce qu'on peut faire le meilleur temps étant donné toutes les contraintes. Alors, on a parlé de cette intrusion des données mathématiques prédictives statistiques dans le sport. N'oublions pas que le sport, c'est aussi quelque chose qui mobilise des morphologies, des biologies, des organismes. Là aussi, la science, Amandine Astalion, a son mot à dire. Vous évoquiez votre pratique et votre goût pour la course à pied, mais en tant que scientifique, voilà, que peut la science dans ce cadre-là pour améliorer la performance des coureurs, par exemple, et leur stratégie de course, puisque un marathon n'a pas du tout la même stratégie de course qu'un sprint. Expliquez-nous un petit peu où va se situer l'analyse scientifique dans ce domaine-là. Aujourd'hui, donc on a un modèle mathématique qui permet d'expliquer et de prédire la meilleure stratégie de course à pied, c'est-à-dire comment je dois développer mon effort. Ce modèle, il repose sur finalement trois équations qui sont assez simples. La première, c'est l'équation de Newton, l'équation du mouvement, qui va dire que la variation de vitesse, c'est-à-dire l'accélération, c'est la somme des forces. Le deuxième, c'est la conservation de l'énergie. Donc, c'est dire, pour produire un effort, je vais avoir une dépense d'énergie, et cette énergie, je la trouve dans deux sources, qui sont l'oxygène, donc les sources aérobies, et l'autre source qui n'est pas l'oxygène, qui sont les sources anaérobies, donc qui viennent essentiellement de l'alimentation. Et la troisième équation, donc c'est la plus récente, c'est ce qu'on appelle la minimisation du contrôle moteur. Donc le contrôle moteur, c'est l'ensemble des opérations effectuées par les structures nerveuses en vue de faire un mouvement. Donc pour faire un mouvement, on va pas vouloir changer de mouvement tout le temps. Donc il va falloir limiter toutes ces informations que les structures nerveuses vont donner à nos jambes, par exemple, si on court. Donc ça nous donne trois équations auxquelles on rajoute la question qui est je veux faire le meilleur temps. Donc je veux minimiser. Donc on arrive à ce que vous disiez tout à l'heure, à des espèces de modèles économiques de coûts et bénéfices. Le coût, c'est évidemment l'énergie, l'effort, et le bénéfice, c'est à choisir, c'est battre un record, c'est finir devant mon voisin, ou c'est faire le meilleur temps. Donc à partir de là, on sait mettre en équation, on sait résoudre avec un ordinateur, et trouver quelle est la meilleure façon de répartir son effort dans une course. Et il se trouve qu'il y a deux types de courses. Il y a les courses courtes, dites de sprint, qui vont jusqu'aux 400 mètres, et les courses d'endurance. Donc pour les courses courtes, ce qu'on a montré, et ça c'est vraiment une preuve mathématique, on sait que dans une course courte, le système aérobie, c'est-à-dire d'oxygène, n'a pas le temps de se mettre en place. Donc le volume d'oxygène par unité de temps qu'on va transformer en énergie augmente au fur et à mesure de la course. Et la meilleure stratégie pour courir un sprint, c'est de partir à fond. Mais comme on connaît pas encore le Superman qui fait le sprint à fond sur 100 mètres, même sur 100 mètres, eh bien, n'importe quel coureur n'arrive pas à tenir à fond. Au bout de 50 ou 60 mètres, sa force de propulsion diminue et il finit la course en légère décélération. Alors souvent, les gens disent « Ah, ça veut dire qu'il faut ralentir en fin de course ». Non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis « Si on commence un peu plus lentement et qu'on accélère sur toute la course, eh bien on ira moins vite au final que si on donne tout au début et qu'on finit avec le maximum de ce qui reste. Et donc le maximum de ce qui reste donne une décélération. Donc ça, c'est la course de sprint. On part à fond. Les courses d'endurance, il vaut mieux pas partir à fond parce que sinon on finit pas. Ceci dit, il faut pas partir trop lentement non plus parce que si on part trop lentement, on ne met pas en route le système aérobie. Donc une course d'endurance, ça aussi on l'a montré avec mon collègue Emmanuel Trélat de Sorbonne Université, on part avec, il faut partir fort, pour mettre en route relativement rapidement le système aérobie, on arrive à une vitesse de pointe qui n'est pas la vitesse de croisière. Ensuite, il y a une deuxième partie de la course en vitesse de croisière qui est légèrement inférieure et une dernière partie de course en sprint. Et pour sprinter à la fin, il ne faut pas avoir tout cramé au début. Et ça amène finalement à une considération assez contre-intuitive, c'est que dans un marathon, c'est très important pour la coureuse ou pour le coureur de varier ses vitesses, alors qu'on pourrait penser que plus la vitesse est régulière, plus il va pouvoir s'économiser. Alors, dans les variations de vitesse, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que les marathons, ça se court pas sur une ligne droite de 42 km. Donc, ça monte et ça descend, d'une part. Ça tourne. Donc, il y a de toute façon des variations d'effort qui sont liées aux variations d'altitude et au virage. Donc ça, c'est à prendre en compte, à anticiper. Et on a aujourd'hui un modèle mathématique qui va justement nous permettre, étant donné la topographie d'un terrain, de donner des conseils aux coureurs pour savoir exactement à quel moment anticiper les virages ou les changements d'altitude. Donc ça c'est la première chose, parce que quand on fait les mesures sur les gens, il y a forcément des changements sur l'altitude. Il y a très peu de terrains qui sont totalement plats, très peu de marathons qui sont totalement plats. Alors par contre, il y a une autre chose, c'est il y a une légère variation de vitesse qui permet de recréer un tout petit peu d'énergie anaérobie. Donc en général, quand on met quelqu'un à courir derrière ce qu'on appelle un lièvre, on prévoit le lièvre à vitesse constante, mais la personne, d'une certaine manière, s'accroche. Au niveau mental, il y a un effort inférieur à faire lié au fait qu'on cale sa vitesse sur celui qui est devant. Quand on n'a pas le lièvre devant, il est naturel, et en général tous les gens qui courent le confirment, qu'il est beaucoup plus agréable de très légèrement varier pour arriver à maintenir, ceci dit, une vitesse de croisière moyenne qui, elle, est constante. Alors on va continuer bien évidemment de parler de tous ces sujets dans un instant, mais avant cela, comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Une recherche montre en main aujourd'hui avec vous, Ryan Alimam, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Vous êtes en deuxième année de thèse dans le cadre de l'unité de recherche Euromov, Digital Health in Motion, unité de recherche née de la fusion de Euromov, Université de Montpellier et du CERIS, de l'IMT Mines Alès, sous la direction de Jackie Montmain, Stéphane Perret, et une thèse encadrée par Nicolas Sutton-Charani. Cette thèse s'intitule « Optimisation des entraînements sportifs pour la performance ». C'est à vous, nous vous écoutons. Exactement, déjà tout d'abord, je souhaiterais vous remercier pour l'invitation. C'est un honneur d'être ici pour pouvoir vous présenter mes travaux. Donc, en effet, ma thèse vise à l'optimisation des entraînements pour la maximisation de la performance. Mais pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui date de 2019, un lointain passé sans Covid. Donc, cette année-là, je me suis dit que j'aimerais me mettre au sport. Mais je n'y connais rien. Donc, je me suis fait un programme et je le répétais à chaque fois. Donc au tout début, j'avais l'impression vraiment que c'était très difficile, je le ressentais dans toutes les parties de mon corps. Mais progressivement, je ne percevais plus l'effort de la même manière. Vous allez me dire pourquoi je parle de tout ça, normalement je devrais parler de mes travaux. Mais en fait, c'est pour introduire une notion très importante pour tout sportif, c'est la charge d'entraînement. En fait, cette charge d'entraînement, elle résulte de quoi? Des efforts que vous produisez pendant votre séance ou tout effort physique. Donc, qu'on appelle aussi charge externe, ça peut être votre vitesse moyenne, le poids que vous avez soulevé ou encore la durée de votre séance. Mais aussi de la réponse à votre corps à ces efforts produits, qu'on appelle aussi charge interne. On peut notamment parler de la fréquence cardiaque moyenne, on peut parler de l'oxygénation du cerveau. Mais très souvent, c'est un peu compliqué de mesurer ces facteurs-là. Donc ce qu'on étudie, c'est des questionnaires subjectifs, pour que les sportifs donnent eux-mêmes une note à leur séance ou à leur effort, même un match. Sauf que les sportifs, ils ont le droit de le faire ou non. C'est-à-dire, c'est vraiment dépendant de leur bon vouloir. Donc, au début, je me suis attardé sur un problème. C'était que on a des trous, parce que beaucoup ne répondent pas. Donc, dans une journée, on peut avoir des données objectives collectées par des capteurs. Par exemple, de charge externe, c'est souvent des capteurs GPS ou accéléromètres. Mais la charge interne, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que je me suis concentré sur des méthodes d'imputation qui servent à justement remplir les trous laissés, et de la théorie des fonctions de croyance qui étant les probabilités classiques, pour mieux apprécier l'incertitude associée à ces imputations. Donc une imputation, c'est une estimation de la valeur qui aurait dû être à la place du trou. Et maintenant, après avoir dépassé ça, parce que ça a été fait dans le cadre de la prédiction justement des charges internes, c'est-à-dire que je vois le passé d'un joueur, comment il a ressenti ses séances, et je voulais prédire comment il va ressentir cette séance-là. Mais maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir utiliser des techniques d'apprentissage automatique, donc des modèles statistiques, pour apprendre un modèle qui puisse prédire la performance d'un individu en se basant sur son historique de charges interne et externe, ainsi que ses performances passées. Mais après, aussi, une question s'ajoute à cela, c'est quelle performance on veut prédire. C'est plus simple, tout à l'heure on parlait de la course à pied ou encore de la natation, c'est plus simple de définir ce qu'est la performance dans ces sports-là. Mais en sport collectif, ça implique beaucoup plus de facteurs. Donc c'est beaucoup plus compliqué de définir quelle est la performance. Donc parfois il faut choisir, soit des performances athlétiques, ou encore la victoire ou la défaite. Mais c'est tout un sujet de recherche à lui seul, définir ce qu'est cette performance. Donc au final, ça sera ça. C'est donner au staff sportif, donc coach, entraîneur, préparateur physique, un outil qui leur permette de mieux apprécier l'effet des entraînements sur leurs effectifs et ainsi maximiser leur performance. Donc à la fin, si vous voulez un outil qui vous permette d'avoir la force de Hulk ou la vitesse de Flash, restez informés. Ben on va rester informés. Merci beaucoup, Ryan Alimam. Christophe Clanet, je vous ai vu prendre pas mal de notes pendant cette présentation. Une réaction à ce qui vient d'être dit. Une première réaction, c'est que parmi les grands entraîneurs en France sur les sports collectifs, on a Claude Onesta, qui est en charge de l'ANS actuellement, et pour qui le big data, pour le moment, est assez étranger, dans le sens que des conversations qu'il a pu avoir, ou de ce qui ressort des interactions, c'est que le temps, pour le moment, est trop long pour le rendu, et que l'esprit de groupe, pour le moment, a du mal à être intégré à l'analyse des données. C'est-à-dire que, et là, on revient un petit peu à ce que nous disait Amandine, c'est-à-dire que, autant pour des sports de course, parce qu'il y a différents types de sports, hein, c'est-à-dire donc les sports de course, les sports à jury, comme la gym, vous avez des sports de combat, des sports de balle, les sports collectifs dont vient nous parler Ryan, donc tous ont leur spécificité. Et donc même sur des sports, disons, de course, par exemple, on va avoir du mal à modéliser ce qui semble être important lors de la course, qui est la force psychologique. C'est-à-dire non, que... non. On est vraiment entré là-dedans maintenant avec des gens de la pitié. Oui, donc, mais enfin, je pense que... Je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple parce que je suis pas sûre que tu aies lu nos derniers papiers, mais voilà, on a travaillé avec des gens de la Pitié-Salpêtrière pour modéliser le mental. Donc ça, je pense qu'on a fait de gros progrès là-dessus. Oui, mais ce que nous disent les sportifs, c'est que tout ce qui est esprit collectif, c'est-à-dire force psychologique, tout ça, pour le moment, on a du mal à l'intégrer, à le prendre en compte dans ce qui est important, ce qui est l'optimisation de la performance pour eux, d'accord. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir, disons, et du point de vue du physicien ou du mathématicien, c'est bien là où on va trouver notre miel, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a de nouvelles forces à trouver. Est-ce que si les forces psychologiques existent, comme le dit Amandine, bon, mais très bien, ça va faire un nouveau terme. Si l'esprit d'équipe existe, c'est pas s'il existe, c'est-à-dire on sait qu'il existe, les entraîneurs nous disent qu'il existe, donc il va falloir l'intégrer au modèle que l'on fait. Et ça veut dire que il y a un nouveau champ à explorer. Et donc je pense que ça fait la richesse du domaine. C'est-à-dire quand Amandine vient dans la mathématique du sport, ou quand moi je vais dans la physique du sport, ce que l'on cherche, c'est des nouveaux territoires à explorer dans lesquels il y a de nouvelles forces à découvrir. Et on comprend que du coup la science s'alimente énormément à la source du sport. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant cette discussion sportive ou scientifique. Mais avant ça, il est l'heure de la mi-temps. Ce qui l'avait inspiré à inventer la roue, à la fabriquer. Ce qu'il avait imité avait su mélanger. Fallait être un peu fou pour pouvoir l'inventer. Lune, c'était peut-être la lune qu'il avait vue ronde, qu'il avait vue tourner. Pourquoi pas la décrocher? Mais qu'est-ce qu'avait pu l'amener à vouloir s'en aller? C'était quoi son projet? Tu te l'es jamais demandé? Pédaler aussi vite que l'éclair, pédaler, dépasser les frontières, faire le tour de la terre. Pédaler aussi vite que l'éclair, pédaler, dépasser la frontière pour te retrouver. Émis d'Acadé par Mathieu Bogertz dans La méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de ce que les sciences peuvent apporter aux sportives et aux sportifs et inversement. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie d'Amandine Aftalion, directrice de recherche CNRS en mathématiques au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHESS. Avec nous également Christophe Clanet, directeur de recherche CNRS, professeur à l'École Polytechnique et directeur du programme Sciences 2024. On en arrive à présent au reportage du jour. Un des problèmes persistants dans le sport, c'est le manque d'études liées à la pratique féminine. Bonjour Céline Nozel. Bonjour Antoine. Vous avez fait votre biathlon quotidien entre vélo et footing et vous êtes allé pour ce reportage à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, où justement on essaie de pallier ce manque. Et oui, tout à fait. C'est l'objectif du projet Empower mené par l'IRMES, qui est un laboratoire de l'INSEP. Ce projet vise à améliorer la performance des athlètes féminines en fonction de leur psychologie, de leur physiologie, y compris de leur cycle menstruel. Juliana Antero, pilote de ce projet, suit plus de 60 sportives olympiques et depuis son tableau de bord, avec ses doctorants, elle analyse les données des entraînements récoltées par des capteurs et aussi issues de questionnaires remplis avant, pendant et après l'effort. Et avec toutes ces données au moyen d'algorithmes, elle a une vision plus globale pour optimiser la charge de travail en fonction des périodes les plus propices. Nous accompagnons les athlètes à distance. Il s'agit d'un monitoring qu'on peut faire H24, 7 jours sur 7, parce qu'on va connecter les données des athlètes à un agrégateur de données que nous avons ici, c'est l'athlète 360 à l'INSEP. Et donc, nous allons collecter leurs données, par exemple, des fréquences cardiaques au cours de la journée, de la puissance développée sur un vélo, leur qualité de sommeil via des questionnaires du matin qu'elles vont remplir, par exemple, en se réveillant, si elles estiment qu'elles ont bien dormi, si elles sont stressées ou pas, si elles ont aussi tout autre ressenti. Et toutes ces données sont agrégées et analysées en vue de la charge d'entraînement de ces athlètes. Au-delà de ça, nous avons inclus aussi les données liées à leur spécificité féminine, notamment les cycles menstruels qui a été jusqu'à là très peu étudié. Alors, une présentation. Ici, nous avons un collègue, Tom Chassard, qui bosse avec nous dans le projet Empower. C'est plutôt l'analyse des données de charge d'entraînement. Du coup, essayer de modéliser cette charge et l'évolution de la charge en fonction des phases du cycle, pour étudier les variations selon les phases. Et ici, nous avons Quentin Laroche-Sambert, doctorant aussi à l'IRMES. En mathématiques. Oui, parce que c'est beaucoup de mathématiques pour développer ces modèles. Ouais, mathématiques, statistiques. On prend les données qui résument l'information et on essaie d'en tirer les principales tendances pour aider les sportifs, en fait. Et j'imagine que c'est un outil qui se développe lui-même, qui est évolutif. Au fur et à mesure que les données arrivent, et de plus en plus actuellement, nous, rien qu'avec des données de performance, qui sont des données publiques assez faciles à récupérer, on arrive à tirer quelque chose. Donc comme vous dites, au plus les données elles arrivent et plus les années passent, et au plus le modèle se construit en fait. Et donc là, on entre dans votre bureau où vous subsumez ce temple du sport, où on peut voir les athlètes au loin s'entraîner, et puis vous êtes derrière votre écran en train d'analyser tout ça. Oui, tout à fait, ça nous inspire aussi pour entraîner nous aussi. Combien d'athlètes vous suivez? Vous avez dit 60 sur 6 disciplines différentes. Alors lesquelles? Comment c'est? Ça fait beaucoup d'individus. Ça veut dire que vous êtes en parallèle en train de suivre ces 60 personnes? Oui, nous suivons à présent plus de 60 sportives. Nous avons l'aviron, les cyclistes, les skis, l'escrime, la gymnastique et le football. Donc vous disiez que vous utilisez des données directement issues de ces capteurs disposés sur les athlètes pendant qu'elles sont en train d'effectuer leur exercice et performance. Et vous collectez tout ça ? Oui, et nous collectons toutes ces données qui sont agrégées, stockées, sécurisées sur l'Athlete Monitoring System, c'est l'Athlete 360 de l'INSEP. Ça, c'est notre tableau de bord qui nous permet de... Hop. Là, en fait, là, on est déjà à 71 athlètes. Ici, c'est un tableau de bord de la gymnastique, par exemple. Donc, on voit s'afficher les différents exercices avec une certaine notation ? Oui, c'est ça. On sait à peu près les temps qu'elle passe par agréé dans la salle. Et ce tableau de bord nous permet de donner des représentations graphiques, donc des diagrammes, des courbes, pour vraiment quantifier, mesurer dans le temps ses performances en fonction des paramètres que vous avez décrits tout à l'heure. Tout à fait. Ici, c'est un exemple d'un sport où il est plus compliqué, la gymnastique, de mesurer la charge d'entraînement. Ici, c'est les athlètes et les entraîneurs qui vont remplir, par exemple, dans une tablette à l'entraînement, les temps passés par agrès et le nombre d'exercices qui ont été réalisés avec succès. Et ensuite, on peut calculer via des représentations graphiques et des analyses qu'on fait, par exemple, son taux de réussite. Ici, pour cet athlète, on peut voir qu'elle a un taux de réussite de 100%. Ensuite, on va comparer ses résultats avec ses données du matin. Par exemple, je sais quel jour du cycle elle se trouve. Ici, par exemple, nous avons une athlète qui est au 11e jour de son cycle. Donc, elle est dans sa phase folliculaire, qu'on peut considérer comme la phase où les hormones sont au plus bas. Et là, on peut comparer comment ça varie le nombre d'heures de sommeil par rapport aux autres phases. Donc ici, là, une représentation graphique. Donc elle a dormi en moyenne, on peut voir ici, là, déjà les résultats, elle dort en moyenne 8 heures par jour. Mais par contre, comment ses émotions fluctuent en fonction de son cycle. On voit ici, par exemple, dans la phase lutéale, elle était plutôt entre 9, 8, 7. Ça, c'est des données subjectives hein, dont on parle. Oui, tout à fait. C'est l'athlète qui va... Elle quantifie son... Son état d'esprit. Oui. Son moral, oui. Oui, c'est ça. Et au matin. Donc, on essaye de décorréler des choses qui peuvent se passer au cours de la journée, mais vraiment les feelings du matin. De 9, 8, 7, 9. Et puis on passe dans un début du cycle et on voit que ça a décroché. Et puis aussi, nous avons aussi des variables un peu plus objectives comme les poids, mais aussi les blessures et les symptômes qui sont ressentis pendant les cycles. Et ça, c'est l'exemple d'un sport. Mais pour chaque sport, on va construire un tableau de bord selon leurs besoins. Mais pour l'instant, tous les retours que nous avons de nos sportifs, bien qu'on ne soit pas encore, on est loin de boucler nos suivis, sont très positifs. Voilà pour ce reportage à l'INSEP. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Amandine Aftalion ? Non, je pense que c'est très intéressant de relier les performances sportives au cycle d'une femme. Je ne savais pas qu'il y avait des études de ce type. Moi, très naïvement, je pensais que tous les sportifs étaient sous contraceptif pour plus avoir de soucis. Mmh. Donc, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de voir que ce n'était pas le cas. Est-ce que ça souligne aussi, c'est peut-être que les performances sportives féminines ont souvent peut-être été mises un petit peu de côté dans ces travaux d'études, d'amélioration. Est-ce que ça, c'est un fait historique ? Ça, je suis pas du tout spécialiste des questions de genre. Donc, je vous dis, j'ai découvert ce reportage à ce moment-là. Christophe Clanet, une réaction à ce reportage ? Alors, la première réaction, c'est sur la charge. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est revenu depuis l'intervention de Ryan tout à l'heure. Ouais. C'est qu'on voit qu'il y a une quête de charge optimale. C'est-à-dire, ce qu'on comprend, c'est que si jamais la charge de travail est trop forte, on va vers un risque de blessure et donc, évidemment, Donc les performances n'existent plus. Une fois qu'on est blessé, il faut se reposer. Et donc si jamais on imagine de tracer l'évolution de la performance en fonction de la charge, on sait que si la charge est trop haute, pouf, la performance tombe à zéro. De la même façon, si jamais la charge est nulle, la performance sera très faible. Et donc entre les deux, il y a une charge optimale. Et de voir comment cet optimum dépend du genre, du sommeil, on sent que ça va être quelque chose qui doit être du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'outil que l'on développe s'adapte à chacun des athlètes et chacun aura sa charge optimale. Mmh. Vous évoquez un élément malheureusement important dans le sport, c'est la blessure. Oui. En quoi est-ce que là aussi, alors on va parler un petit peu de développement technique, puisqu'on a parlé de développement statistique, de compréhension un peu plus de l'ordre physiologique, biologique des performances sportives. Parlons maintenant des techniques, des outils, des instruments qui sont mis à disposition des sportifs et qui sont constamment améliorés. On passera peut-être sur les chaussures d'un équipementier dont on taira le nom, qui ont fait grand bruit au dernier JO de Tokyo, qui ont fait tomber les records. Alors est-ce que déjà des chaussures peuvent faire battre des records? Ça, c'est une question que je vous pose. Alors, oui, ça c'est possible. C'est-à-dire qu'on sait depuis les travaux de McMahon dans les années 70 qu'il y a des pistes qui ont été construites, des pistes d'athlétisme qui ont été construites pour battre des records. Et donc il n'y a pas de raison, donc ça c'était en jouant sur l'élasticité de la piste, il n'y a pas de raison qu'on renverse le problème et qu'on remène ce problème d'optimisation de l'élasticité pour, disons, maximiser les performances sur une chaussée dure. C'est-à-dire, je pense que ces problèmes sont très proches du point de vue de la physique. Donc oui, ça... C'est un problème qui est bien posé en tout cas. Mais si jamais vous allez par là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs optimisations possibles, c'est-à-dire qu'il y a développer des chaussures pour maximiser la performance, il y a développer des chaussures pour minimiser le risque de blessure, ce qui ne va pas donner du tout les mêmes solutions pour les semelles. Et donc ça, c'est des questions sur lesquelles travaille Decathlon en particulier. Mais le matériel... Mais aussi les capteurs vont permettre, disons, d'identifier les risques de blessure. Par exemple, quand un individu commence à, disons, compenser, en général, on a toujours un côté qui est, disons, plus fort que l'autre. Oui. C'est-à-dire, quand vous marchez, quand vous courez, bon, mais il y a une jambe qui produit plus de puissance que l'autre. Et ça reste dans une gamme relativement raisonnable. Disons, il y a quelques écarts un écart entre la puissance produite de quelques pourcents, mais lorsque l'écart devient supérieur à 10%, bon, mais là, c'est mesurable avec les capteurs GPS actuels et les coachs peuvent décider à partir de ces données de capteurs quand les joueurs sont instrumentés, ce qui est le cas du rugby, par exemple. C'est une question que je voulais vous poser. Vous avez travaillé justement à un certain type de GPS pour limiter les blessures au rugby. Non, moi j'ai pas travaillé là-dessus. Mais en tout cas, je sais que ça existe. C'est-à-dire que tous les joueurs du top 14 sont équipés de GPS. Et donc, les sports scientists de chacune des équipes vérifient les signaux pendant le match. Et lorsque la latéralisation est trop forte, ils informent le coach qui décide ou pas de sortir le joueur. Parce que du coup, un GPS peut informer sur la violence d'un choc au rugby et peut justement permettre aussi d'accompagner les sportifs pour éviter toute blessure grave comme ça a pu être souvent le cas, en tout cas au rugby. Alors, les chocs au rugby, oui, ça c'est un gros problème, donc, parce qu'ils induisent des commotions cérébrales, donc avec des images souvent terribles, quoi. Moi, l'une des images qui m'a le plus marqué, c'est celle de Ntamack, dernièrement. Et ça, c'est un problème qui est, disons, gravissime dans les sports de combat, donc que ce soit rugby, boxe. Et donc oui, il y a la thèse actuellement qui est encadrée par Caroline Cohen de Juliette Amogé qui travaille sur la caractérisation des accélérations. Parce que ce qui va caractériser un choc, c'est à la fois l'intensité du choc à travers l'accélération qui est vue par l'athlète, mais aussi pendant le temps d'application de cette accélération. Et donc les deux paramètres, vont se combiner pour induire ou pas une commotion. Et donc le travail de Juliette, c'est ça. Amandine Naftali, on a parlé de tout ce qui concernait finalement la performance d'un point de vue mécanique, l'amélioration du geste. Maintenant, on évoquait tout à l'heure ce sujet qui commence à être de plus en plus pris au sérieux par les entraîneurs, c'est l'aspect mental. On parle souvent du mental des sportifs et des sportives, des erreurs de mental, des fautes de mental. Et j'ai l'impression que ça, c'est peut-être juste une impression vue de l'extérieur d'un amateur de sport, que les entraîneurs prennent vraiment de plus en plus en considération ça. Alors comment ils incluent justement les neuroscientifiques dans la préparation des joueurs, des sportifs? Alors, je crois qu'on n'est pas arrivé à une situation aussi simple que ce que vous semblez décrire dans votre question, qui est comment c'est inclus. Je pense que le problème est posé. Je crois que tout le monde est conscient que le mental d'un sportif, c'est l'essentiel, je dirais, par rapport à la performance, parce qu'à un certain niveau de performance, ils sont quasiment tous au même niveau, mais ce qui fait la différence, c'est le mental, et ne pas arriver, mais c'est de la même façon, l'étudiant qui arrive à son concours, il y en a beaucoup qui sont prêts, et ceux qui passent, c'est ceux qui font pas trop de fautes. Donc c'était un peu comme un patin à glace, il faut pas tomber par terre sur tous ces sauts, même si on les fait bien à l'entraînement. Donc la différence, c'est je suis un champion, j'y crois et je vais y arriver. Donc comment arriver à créer ça chez le champion, à avoir un champion qui va être 100% sûr de lui, que ce qu'il est arrivé à faire la veille, il le refait pareil le lendemain. Donc ça, on n'a pas résolu l'équation. Heureusement, peut-être heureusement, c'est ce qui donne. Je vais pas vous mentir là-dessus. C'est ce qui donne aussi son sel à la performance sportive, voilà, c'est qu'il y a une part d'inattendue. Donc les sportifs sont entourés de beaucoup, au très haut niveau, sont entourés de beaucoup de psychologues pour les aider. Quand on parle d'essayer d'améliorer leur record, moi je me souviens quand on a travaillé sur le couloir de course, l'influence du couloir, la réponse que j'avais eue du staff de la Fédération Française d'Athlétisme, c'était « Oh, de toute façon, c'est un tirage au sort, donc c'est pas la peine de leur donner trop d'infos, ça va les stresser. » Donc il y a un côté, il y a un espèce de mur qui est quand même mis entre le sportif d'un côté qu'on veut protéger de toute information superflue qui pourrait le stresser, et la science de l'autre. Donc par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc il y a des gens qui travaillent à l'Institut du cerveau et de la moelle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière sur des patients qui ont des pathologies. Donc dans les études de ces pathologies, on arrive à mettre un certain nombre de choses en équation, et en particulier, on arrive à mettre l'effet psychologique, le mental en équation, pour arriver à dire, voilà, il y a tel effet qui va me donner confiance, et qu'est-ce que ça crée dans ma performance, ou au contraire, il y a tel effet qui va me faire perdre mes moyens, et comment je le mets en équation. Donc ça, aujourd'hui, on a fait des progrès, on sait mettre les choses en équation, on sait relier le contrôle moteur et le psy à la performance, mais de là à le mettre en application sur le sportif... Il y a encore un petit peu de voilà. chemin, mais ce chemin, on ne doute pas qu'il sera sans doute peut-être un jour franchi. On n'a pas eu le temps, Christophe Clanet, de parler du programme Science 2024, mais on va tout partager toutes les informations nécessaires sur notre fil Twitter et sur le site de l'émission. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Merci. Amandine Aftalion, Christophe Clanet, nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci également à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Natacha Triou, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Alexandra Delbault, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.